Genèse chapitre 10. Or ce sont ici les générations des enfants de Noé, Sem, Cham et Japhet, auxquels naquirent des enfants après le déluge. Les enfants de Japhet sont Gomé, Mago, Mabaï, Javan, Tubal, Mésech et Tira. Et les enfants de Gomé, Askenaz, Riphet et Togarma. Et les enfants de Javan, Elisa, Tarsi, Chittim et Dodanim. De cela furent divisées les îles des nations par leurs terres, chacun selon sa langue, selon leur famille, entre leurs nations. Et les enfants de Cham sont Chu, Mitzraïm, Pu et Chanaan. Et les enfants de Chu, Seba, Avila, Sapta, Rama et Septeka. Et les enfants de Rama, Seba et Dedan. Chu engendra aussi Nimro, qui commença d'être puissant sur la terre. Il fut un puissant chasseur devant l'Éternel, c'est pourquoi l'on a dit, comme Nimro, le puissant chasseur devant l'Éternel. Et le commencement de son règne fut Babel, Érech, Akka, et Calné, au pays de Sinar. De ce pays a sorti Assur, et il bâtit Ninive, et les rues de la ville, et Cala, et Rézan, entre Ninive, eux et Cala, qui est une grande ville. Mitzraïm engendra Ludim, Ananim, Léabim, Naphtuim, Patrusim, Chasseluim, desquels sont issus les Philistins, et Kaphtorim. Et Chanaan engendra Sidon, son fils aîné, et Heth, les Jébusiens, les Amoréens, les Girgaziens, les Éviens, les Arkiens et les Siniens, les Arbadiens, les Tsémariens, et les Amatiens. Et ensuite les familles des Chananéens se sont dispersées. Et les limites des Chananéens furent depuis Sidon, quand on vient vers Guérar, jusqu'à Gaza, en tirant vers Sodome et Gomorre, Adma, et Tseboïm, jusqu'à Lesa. Ce sont là les enfants de Cham, selon leur famille et leur langue, en leur pays et en leur nation. Et il naquit des enfants à Sem, père de tous les enfants d'Ébé, et frère de Japhet, qui était le plus grand. Et les enfants de Sem sont Elam, Assur, Arpaxa, Lu et Aram. Et les enfants d'Aram, U, Ul, Gété et Ma. Et Arpaxa engendra Sela, et Sela engendra Ébé. Et à Ébé naquirent deux fils, le nom de l'un fut Pel, par ce qu'en son temps la terre fut partagée, et le nom de son frère fut Joktan. Et Joktan engendra Almoda, Selef, Hatsarmavet et Géra. Adoram, Uzal, Dikla, Obal, Abimael, Seba, Ophir, Avila et Jobab. Tous ceux-là sont les enfants de Joktan. Et leur demeure était depuis Mesa, quand on vient en Séphar, montagne d'Orient. Ce sont là les enfants de Sem, selon leur famille et leur langue, en leur pays et en leur nation. Telles sont les familles des enfants de Noé, selon leur lignée, en leur nation, et de ceux-là ont été divisées les nations sur la terre après le déluge.